En guise d'introduction, j'aimerais commencer avec deux moments de l'histoire du Congo belge. En 1913, tout d'abord, Lily Davis, une missionnaire britannique qui était en poste au Congo, écrit au roi des Belges pour dénoncer les pratiques de mariage précoce unissant des très jeunes filles congolaises à des hommes congolais adultes, pratiques supposées sévir dans la colonie belge. Appelant à mettre fin à « The slavery of the girls » et au poids des traditions qui la permettent, cette missive est transmise au ministre des colonies, sommé au nom de la mission civilisatrice de prendre des mesures répressives. Alors, 22 ans plus tard, c'est toujours le ministre des colonies qui, au nom de cette même mission civilisatrice, se prononce cette fois comme contre toute forme d'interdiction des mariages précoces, arguant des bienfaits de la tradition et de ce que, je cite, « le mal se trouve dans la consommation de l'union », fin de citation, et donc non pas dans l'union elle-même. Alors, dans les deux cas, c'est donc la mission civilisatrice qui est invoquée, et je vais y revenir, un vocabulaire biopolitique qui est sollicité, des projets de régulation, plutôt de non-régulation, des mariages de filles oubliées, qui est le label un peu barbare utilisé par le régime colonial belge pour désigner les mariages précoces, sont tout le temps des projets de réforme morale que de régulation sexuelle, selon l'articulation qui est évidemment bien connue des historiens du genre et des sexualités en situation coloniale. Alors si on connaît bien, notamment grâce aux travaux de Lenny Hunt et des aspects pater ou maternalistes, que cette articulation a pu revêtir spécifiquement au Congo belge, des aspects qui sont particulièrement visibles dans l'encadrement de la maternité et des soins à la petite enfance notamment. Je crois qu'il serait cependant réducteur aussi limité. Et dans cette présentation, je propose de d'interroger le répertoire des politiques sexuelles et des promotions de normes de genre qui les accompagnent, menées dans l'académie belge spécifiquement, à partir du cas des débats relatifs au mariage précoce durant la période où ils ont été le plus intense, c'est-à-dire durant la période de l'entre-deux-guerres. Surgissant sur la scène coloniale belge au début du XXe siècle, la question du mariage des filles mobiles se révèle inséparable des évolutions des politiques coloniales belges et du souci grandissant des pouvoirs coloniaux pour l'ordre de genre et la stabilité sociale de leur territoire africain dans l'entre-deux-guerres. C'est aussi une étude de cas qui illustre particulièrement bien la centralité du contrôle de la sexualité dans les politiques de l'État matrimonial, dans les politiques matrimoniales de l'État colonial, et qui offre également l'opportunité de s'interroger sur la façon dont les liens entre hiérarchie raciale, genre, sexualité ont été redéfinis et réaffirmés, notamment en utilisant les ressources combinées de la médecine et de l'ethnographie. Alors comment est-ce que cette question du mariage des filles non nubiles devient-elle un problème? On peut se poser la question puisque jusqu'au début du XXe siècle, les critiques sont très rares, voire pratiquement inexistantes, surtout comparées aux critiques des pratiques de polygamie et de compensation, du système de compensation matrimoniale, qui sont elles extrêmement abondantes. Donc il faut en fait attendre les années 1910 pour voir émerger des critiques plus ciblées, qui proviennent de missionnaires, mais aussi d'autres acteurs. Qui reproche essentiellement deux choses à ces mariages. D'une part, l'absence de consentement valide du fait du jeune âge des jeunes filles, et d'autre part, les dangers, leur danger pour la santé morale autant pour la santé physique des jeunes filles, puisque ces mariages étaient supposés mener à des rapports sexuels avant leur puberté. Perçu comme un mal social et moral, ce problème est donc également posé en termes de menaces biologiques, puisque les rapports sexuels précoces étaient réputés endommager la fertilité des jeunes filles et donc avec elles la reproduction de la race congolaise tout entière. Vu le contexte d'anxiété grandissante quant à l'évolution démographique et à la dépopulation du Congo qui est déjà celui de l'âge à ce moment-là, c'est clair que c'est des préoccupations qui ont sans doute contribué à conférer à cette question précise une importance qu'elle n'avait pas a priori, ni dans les programmes belges de politique indigène, ni dans les discours sur les mœurs congolaises en général. Alors rapidement, d'autres éléments également qui sont à prendre en compte. Au début du XXe siècle, la Belgique, comme beaucoup d'autres pays européens à la même époque, est parcourue par un mouvement en faveur de la protection de l'enfance, qui se traduit notamment ici par une refonte de la législation sur le sujet, avec une répression accrue des abus sexuels commis sur des mineurs. Il y a eu aussi énormément de plusieurs gros scandales de prostitution enfantine qui ont probablement fait que cette question avait une résonance particulière. Surtout, la multiplication des critiques à l'encontre de ces mariages et les appels à des interventions répressives de l'administration sont à mettre en relation avec l'importance des débats qui entourent les questions de mœurs, donc tout ce qui est mariage, sexualité, ordre moral de façon plus générale, dans les premières années du Congo belge. Une importance qui n'est pas sans lien avec le climat politique qui a entouré la reprise donc de l'État indépendant du Congo, qui était depuis 1885 la propriété personnelle du roi Léopold II et qui devient en 1908 une colonie nationale qui est donc reprise par la Belgique. Et face à l'héritage encombrant du régime de l'État indépendant et de ses abus, il s'agit d'affirmer la priorité qu'occupe le relèvement moral des indigènes et avec lui les objectifs civilisateurs parmi les politiques de la nouvelle Belgique coloniale, une priorité qui passe donc aussi par la mise en place de politiques de réforme du mariage et de sexualité dans le respect des populations concernées et de la légalité et en s'appuyant sur les institutions d'une colonie qui se veut moderne par rapport opposition au lieu qu'on veut. Alors ces différents éléments contribuent à donner un caractère d'urgence à la question et en 1920, l'administration coloniale se lance dans de grands projets législatifs en même temps que dans une grande enquête qui est double, qui comporte un volet ethnographique d'une part et un volet médical d'autre part. Alors ce volet médical a pour but de fixer l'âge de nubilité ou de puberté des jeunes filles congolaises. Tel qu'il était prévu jusque-là dans le code civil congolais, donc c'était 12 ans pour les femmes, 14 ans pour les hommes, c'est-à-dire 3 ans plus jeune que l'âge de la métropole. Et c'était quelque chose qui n'avait jamais été critiqué par les critiques de ce mariage, alors que pour l'administration, c'est évidemment une question fondamentale, puisque c'est un préalable essentiel au projet législatif. Alors en ce début du XXe siècle, je vais aller très vite, l'âge de puberté supposé très précoce des femmes africaines a une longue histoire scientifique et populaire où se mêlent des arguments climatiques et des arguments plus directement raciaux. C'est quelque chose qui participe à cette construction sexuelle des hiérarchies raciales de l'époque qu'on connaît assez bien. Alors sur le terrain congolais, cette enquête médicale est loin d'être un succès. Bon, il y avait des problèmes structurels, pas assez de médecins, pas l'état civil, donc les naissances n'étant pas enregistrées, il était impossible de déterminer l'âge réel des jeunes filles examinées. Les résistances, évidemment, des jeunes filles et de leur famille qui s'opposent aux examens, et puis l'incompétence des médecins qui ne savent pas exactement ce qu'il faut examiner. Ce qui les empêche cependant pas de tirer des conclusions bien affirmées sur l'âge de puberté des femmes congolaises. Alors de manière quasi unanime, les médecins réfutent ce principe apparemment acquis d'une puberté particulièrement précoce chez les jeunes africaines. Les âges proposés tournent autour de 15 ans et les conclusions concordent pour affirmer que l'âge de nubilité des jeunes congolaises n'est pas aussi précoce que ce qui a longtemps été supposé. Certains médecins qualifient en même tout ça de légende. Alors l'un d'entre eux affirme ainsi que, je cite, « Il n'y a pas grande différence entre la jeune fille et la négresse relativement à l'âge de puberté et de nubilité. » Donc si les Congolaises sont à égalité avec les Congolaises sur le plan de la puberté, elles n'en sont pas pour autant considérées comme des jeunes filles. Et de manière significative, l'idée ou même le concept d'adolescence ou l'idée de puberté en tant que phénomène progressif, c'est d'avance sur plusieurs années, n'est pas du tout évoqué. La race semble ici vraiment flouter les nouvelles visions occidentales du développement de la sexualité et de la croissance. Alors, des constats, dans le temps je passe. Alors si les médecins nuancent fortement la légendaire précocité pubertaire des filles congolaises, ils n'en renoncent pas pour autant stéréotypes sur la précocité des relations sexuelles chez les Congolais et surtout ils n'hésitent évidemment pas à lier les deux phénomènes. Alors deuxième volet de cette enquête, un aspect plus ethnographique, donc ce sont essentiellement les administrateurs territoriaux du Congo qui sont chargés d'une part de renseigner sur l'étendue et la nature de cette supposée coutume, et d'autre part de formuler des pistes de solutions. Alors l'enquête a beaucoup mieux fonctionné, mais les résultats ne sont pas forcément ceux qui étaient attendus ni par les autorités ni par les critiques de ces mariages. Certains administrateurs soulignent tout d'abord que cette coutume n'existe pas, et surtout d'autres qui essaient de comprendre la nature politique du mariage africain affirment que certes les promesses de mariage sont conclues alors que les fiancés ne sont encore que des enfants, mais que tout ça n'implique en rien une consommation de l'union, qui est le motif principal de stigmatisation de ces mariages. Alors certains profitent d'ailleurs pour souligner l'obsession démesurée des Européens pour la sexualité des Africains qui leur ferait tout voir à travers ce prisme, une obsession à laquelle ils n'échappent pourtant pas eux-mêmes, puisqu'en un sens affirmer que puisque l'union n'est pas consommée, alors ces mariages précoces ne posent pas de problème, revient évidemment à placer la question sexuelle au-dessus de tous les autres, je vais revenir très brièvement par la suite. Alors sans grande surprise sur le sujet des mesures à prendre, la plupart des administrateurs se prononcent en faveur d'un statu quo et ne jugent pas nécessaire ou estiment trop difficile de prendre des mesures répressives face à des abus qui apparaissent finalement limités et pas si graves. Une telle position est étroitement liée au contrôle de la sexualité des femmes colonisées. Les administrateurs redoutent qu'une interdiction des mariages précoces, synonyme pour eux de surveillance et de canalisation de la sexualité des jeunes filles congolaises, engendre des désordres qui moraux bien pires. Donc l'argument utilisé est celui du pire que mieux qui ressort très bien dans cette citation. Nul doute que le contrôle du corps sexué et maternel des femmes soit aussi un des enjeux majeurs de ces débats. Les préoccupations coloniales conjointes pour le taux de natalité et la stabilité sociale s'expriment pleinement, et le maintien des unions précoces apparaît comme un moyen, certes pas idéal, mais tout au moins efficace de s'assurer de l'un comme de l'autre. Canaliser au plus tôt la sexualité des jeunes femmes congolaises dans un cadre hétérosexuel, pénétratif, conjugal et reproducteur, aussitôt le passage de l'enfance à l'âge adulte effectué, offre la garantie d'une naissance nombreuse et d'un ordre moral bénéfique pour les pouvoirs colonial. Alors c'est une attitude qui n'est pas très différente de l'attitude d'autres pouvoirs coloniaux, notamment français ou britanniques, sur des questions pas exactement les mêmes, mais avec des enjeux similaires, mais qui sont d'autre part très éloignées des ambitions de réforme morale de la reprise, du début du XXe siècle d'une part, et d'autre part d'une image paternaliste ou maternaliste que les autorités belges promeuvent au même moment au sein de la métropole et sur la scène internationale. Voilà, donc c'est un changement d'attitude, je passe très vite là-dessus, qui est indissociable du succès croissant dans le monde colonial belge à la fin de la Première Guerre mondiale, de l'administration, de théorie de l'administration directe britannique, avec un renforcement du droit coutumier notamment, un basculement complet dans l'appréciation du mariage congolais, qui devient vu d'une manière beaucoup plus positive. Et de cette idée, donc assez classique, que la famille africaine se désagrège sous le poids de l'industrialisation, des migrations urbaines, etc. Donc ces débats, je l'ai dit, interviennent en outre dans un contexte d'anxiété grandissante autour de la supposée dépopulation que connaîtrait le Congo, et les anxiétés natalistes ont vraiment contribué à faire de la question de la sexualité une dimension tout à fait centrale dans ces débats, au point d'éclipser complètement les discussions sur le consentement des jeunes filles. Alors ce sont des mesures qu'on va retrouver, des positions pardon, qu'on va retrouver dans les mesures législatives qui sont finalement prises en 1936, en termes de multiples débats, et en un sens, ces positions sont même devenues centrales, puisque pour les décideurs coloniaux, je cite, « la législation devra être inspirée par le souci de l'avenir de la race plutôt que par des raisons d'éthique ». Donc en 1936, ce décret est finalement voté. C'est la seule mesure de toute l'entre-deux-guerres relative au mariage et aux questions de mœurs traditionnelles, puisqu'entre-temps, tous les autres projets du début du XXe siècle avaient été abandonnés au profit d'un renforcement de la coutume et du droit coutumier. Il n'y a pas forcément de contradiction avec cette tendance, puisque ce décret témoigne aussi d'un recentrage sur ce qui est vraiment grave, c'est-à-dire sur les freins à la natalité et sur le contrôle des sexualités déviantes. Un décret qui ne vise d'ailleurs pas ces mariages en tant que tels, mais bien seulement leur consommation, puisque la législation interdit seulement la cohabitation des époux avant que la fiancée n'ait atteint l'âge de puberté. Je passe très vite, là aussi le consentement n'est pas du tout mentionné, comme ça j'arrive à ma conclusion. Juste vous dire que l'âge de puberté officiel est fixé à 14 ans, mais seulement pour les jeunes filles qui peuvent faire la preuve d'un certificat de naissance, et elle ne constitue qu'une infime minorité. Pour toutes les autres, la puberté s'établit par le simple aspect de la fille, un aspect qui n'est pas contrôlé par un médecin, puisque c'est le juge qui doit déterminer à l'œil nu, si je puis dire, si la jeune fille concernée est pubère ou non. Alors, en guise de conclusion, quelques mots au sujet de l'application de ce décret. Pour résumer, celle-ci n'a pas été des plus effectives. Sans entrer dans les détails, simplement souligner qu'outre les résistances et les contournements très nombreux mis en œuvre par les populations congolaises, l'indifférence d'une large frange de la magistrature et l'inanité d'une disposition qui permet au premier magistrat venu de déterminer l'état de puberté des jeunes filles concernées, ainsi que l'inadaptation évidemment des catégories coloniales légales au mariage congolais ont vraiment contribué à cet échec. Poser le problème en termes de fiançailles et de mariage, compartimenter les choses selon qu'il y ait cohabitation ou pas, est évidemment une approche très européen-centriste qui ne correspond pas du tout aux logiques matrimoniales africaines. Mais ce problème, en avait-il jamais été réellement un On peut se poser la question, puisque les cas de mariage de filles non nubiles, dans le sens où ces unions ont été entendues par les autorités coloniales, n'ont probablement jamais été très communes dans la colonie belge. C'est difficile de donner une réponse précise, puisque le Congo était une colonie continent avec une population très diverse, mais il semble clair qu'il ne s'agissait pas du tout de pratiques répandues. Si dans de nombreuses régions, les mariages étaient arrangés dès le plus jeune âge des futurs époux, bon, ça n'impliquait pas que les futurs maris aient des droits complets sur ces jeunes filles, et en général, l'union était pleinement accomplie qu'à partir de la puberté de celle-ci, elle-même souvent marquée par des rites de nubilité. Alors, dernière phrase. Ironiquement, il est possible que la colonisation ayant renforcé les droits du futur mari sur sa fiancée, abaissé de facto l'âge au mariage des femmes congolaises et ainsi créé plus de cas de mariage de filles non nubiles. Quelques remarques d'ethnologues de l'époque suggèrent cette idée, une idée qui rejoint en un sens aussi les conclusions de nombreux historiens du genre dans l'Afrique coloniale, pas mal de travaux récents. Qui tendent à montrer que les bouleversements provoqués par la colonisation, notamment le poids des migrations urbaines, ont conduit à un renforcement du contrôle masculin sur la sexualité des femmes et notamment sur la sexualité précoce.